بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc c'est, comme je disais, le cours numéro 8 dans la lecture du livre إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. Et on est arrivé au chapitre numéro 4 où le cheikh mentionne l'إجماع, le consensus des savants au sujet du fait de s'écarter des gens de bid'ah. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est que pour montrer qu'il y a cet ijma, qu'il y a ce consensus, il va citer les paroles de plusieurs parmi les imams d'Ahl al-Sunnah, 30 savants parmi les savants d'Ahl al-Sunnah qui ont confirmé ce principe-là et qui l'ont attribué aux salafs et qui ont mentionné que c'était la position de tous les salafs et des imams d'Ahl al-Sunnah et qu'ils étaient tous d'accord à ce sujet. Donc il dit que le cheikh Khalid al-Zufayri hafizahullah, il dit dans ce chapitre 4 que les salafs al-Salih se sont préoccupés et ils ont donné une grande importance à ce grand fondement, c'est-à-dire le fait de s'écarter et de boycotter les gens de bid'ah. Ils ont donné à ça la plus grande importance. Et ils se sont préoccupés de ça. Et dans leur biographie et dans leur vie, on retrouve plein d'exemples de ce genre de hajr, de ce genre de boycott des gens de bid'ah. Et le fait qu'ils les humiliaient, qu'ils les rabaissaient. Et on a déjà mentionné à ce sujet-là plusieurs choses. Il dit, mais, Inch'Allah, il dit, بحولillah wa quwwatihi, par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais citer maintenant, dans ce chapitre, un nombre de paroles des hommes de science et des imams des salafs qui ont rapporté et cité le consensus au sujet du fait de s'écarter, de se séparer des gens de bid'ah et de les boycotter. Et nous n'avons maintenant que à les suivre. Nous devons maintenant que les suivre et ne pas innover, parce que qu'est-ce qu'ils nous ont amené est suffisant pour nous. Et il dit, sache que dans l'islam, l'ijma est une preuve décisive. Et c'est interdit, c'est haram de s'y opposer et de le contredire. Hein? L'ijma, c'est une preuve parmi les preuves de la charia. Et une des preuves au sujet de l'ijma, c'est le verset 115 dans Sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Donc une des preuves de l'ijma, c'est ce verset là puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il dit: quiconque s'oppose au messager après que la guidance lui a été clarifiée et qu'il suit une voie autre que celle des croyants, nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc la voie des croyants ici, c'est en fait l'ijma. L'ijma des croyants. L'ijma de qui? L'ijma des sahaba. Quand tous les sahaba sont d'accord sur quelque chose, et tous les ulama et les imams des salaf sont d'accord sur quelque chose, il n'est pas permis à quiconque de les contredire, de s'opposer à ce qu'ils ont décidé et décrété. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith: la tajtami'u ummati ala dalala. C'est-à-dire, ma umma ne va pas se mettre d'accord sur l'égarement. Donc, si il y a un accord sur quelque chose, c'est la preuve que c'est la guidance, c'est une guidance, et que l'on doit suivre. La première parole qui est mentionnée, c'est la parole de l'imam al-Awza'i, qui est mort en l'an 157 de la Hijra. C'est un des imams parmi les imams des salafs. Un des quatre qui était parmi les références de la science à l'époque de l'imam Malik de l'imam Layth ibn Sa'd et de l'imam Sufyan al-Thawri. Donc l'imam Al-Awza'i rahimahullah, il dit dans un de ses livres: craignez Allah, ô assemblée de musulmans, et acceptez le bon conseil de ceux qui donnent le conseil et l'exhortation de ceux qui donnent l'exhortation, et sachez que cette science est une religion. Alors vérifiez ce que vous faites et de qui vous l'apprenez, et vérifiez également qui vous suivez ou qui vous prenez comme exemple, hein, et à qui vous faites confiance dans votre religion. Parce que les gens de Bid'a sont tous des imposteurs, des menteurs, des pécheurs, hein. Et ils ne craignent pas Allah et ils ne vérifient pas, et donc on ne peut pas leur faire confiance à propos du fait qu'ils falsifient ce qu'ils entendent et ce qu'ils disent, et ce qu'ils entendent et ce qu'ils disent de la religion. On ne peut pas leur faire confiance dans les questions de la religion. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala les enveloppe dans ce qu'ils savent. Alors faites attention et soyez sur vos gardes, hein, et refusez ce qu'ils disent et écartez-vous d'eux. Parce que les premiers d'entre les ulama et ceux qui ont été pieux parmi ceux qui ont suivi par la suite, c'est ainsi qu'ils agissaient et c'est ce qu'ils ordonnaient. Alors soyez sur vos gardes, hein, et ne soyez pas des gens qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui détruisent sa religion en leur montrant du respect et en les respectant et en les exaltant, comme ceux qui respectent les gens de Bid'ah et qui prennent d'eux leur religion. Et ne les prenez pas comme modèle et comme guide ou comme exemple, et ne croyez pas en ce qu'ils disent et en ce qu'ils écrivent, et ne les aidez pas dans ce qu'ils font. Ne croyez pas en ce qu'ils disent et en ce qu'ils font. Donc ça, c'est de façon résumée un peu qu'est-ce que l'imam dit. Ça, c'est cette citation qu'il a mentionnée. Et après, il dit cette nasiha de ce grand savant qui a beaucoup d'intérêt et beaucoup de il y en a qui veut le bien pour les musulmans et pour la Ummah, qui connaît les gens de Bid'ah et leurs informations, et qui veut nous informer à propos de leur voie et de la corruption qu'elle contient. Alors, il nous informe que tous ces gens-là sont des gens de mensonge et de péché, et qui n'ont pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce sont des gens qui falsifie et qui déforme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Puis ensuite, il clarifie la manière dont on doit agir avec eux, c'est-à-dire de prendre nos précautions et d'être sur nos gardes et de s'écarter d'eux et de s'éloigner d'eux et de s'écarter d'eux. Et il a clarifié que c'est ce que faisaient les premiers d'entre les savants, de même que ceux qui les ont suivis parmi les savants qui ont pris leur exemple et qui les ont suivis. Et il a expliqué également que le fait de respecter les gens de Bid'ah, en prenant leur science et en prenant d'eux notre religion, c'est quelque chose qui aide à détruire la religion. Et il mentionne ensuite, le cheikh il dit, et Al-Qadi Iyad a dit, rahimahullah, من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. Je l'ai lu en arabe pour que vous sachiez, hein, qu'est-ce qu'il dit, parce que c'est une parole très importante. L'imam Al-Fudayl ibn Iyad, il dit: quiconque respecte un innovateur, il a aidé dans la destruction de l'islam. Et quiconque a souri dans le visage d'un innovateur, c'est comme s'il avait dénigré ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui donne en mariage sa fille à un mubtadi', c'est comme s'il avait coupé ses liens de parenté. Et celui qui suit la funéraille d'un mubtadi', il reste dans la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. Donc ça, c'est cette parole de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad à ce sujet-là. Il dit, قال الشاطبي, l'imam Al-Shatibi a dit, le fait de respecter un mubtadi', quelqu'un qui est sur la bid'ah, c'est quelque chose qui ramène deux méfaits, deux effets néfastes qui vont avoir comme conclusion la destruction de l'islam. Le premier de ces effets néfastes, c'est le fait que les ignorants, les gens du commun, vont considérer ça comme étant un respect envers le mubtadi', et ils vont donc croire que le mubtadi' fait partie des bonnes personnes. Donc si tu montres du respect envers un mubtadi', les autres personnes qui sont autour vont penser que cette personne est bonne et qu'on peut prendre de cette personne, hein, et qu'elle est respectable. Hein, donc ça, c'est une cause d'égarement pour les gens. Parce que les gens, ils ne savent pas ce que cette personne-là a comme égarement, ils vont penser que la personne, elle est sur le bien. Hein? Et ça va mener les gens à le suivre et à suivre sa bid'ah et à délaisser la sunna et les gens de la sunna et la sunna. Deuxième point, parmi les effets néfastes de montrer du respect au mubtadi', c'est que lorsque tu lui montres du respect à cause de sa bid'ah, c'est comme si tu incitais les gens à l'innovation elle-même. Et dans tous les cas, ça fait vivre la bid'ah et ça fait mourir les sunan. Et donc ça, c'est la destruction de l'islam lui-même. Donc celui qui respecte les gens de bid'ah, il aide dans la destruction de l'islam. Et il dit donc, sache mon frère en Allah que ça, c'est une nasiha de la part d'un imam qui est bien informé et réfléchit donc au danger donc de la perdition et le danger de suivre la bid'ah. Donc la parole de l'imam Al-Awza'i, elle était tirée de Tarikh Dimashq. Et la parole de l'imam Fudayl ibn Iyad, elle était tirée de Sharh Sunnah de l'imam Al-Barbahari. Et la parole de l'imam Al-Shatibi, elle vient de son livre Al-I'tisam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il cite la parole d'un des grands imams également parmi les salafs. C'est la parole d'Abdurrahman ibn Abi Zunad, qui est mort en 1974. Ibn Battah, il mentionne dans son livre une parole de Ibn Abi Zunad, Abdurrahman. Il dit, nous avons rencontré parmi les gens de mérite et les gens de connaissance et compréhension de la religion, parmi les meilleurs parmi les gens, et nous les avons trouvé parmi les caractéristiques qu'ils avaient, c'est qu'ils blâmaient les gens du djadal, les gens qui rentrent dans les débats et les discussions dans la religion, et les gens qui rentrent dans ra'i et qui prennent les opinions qui sont en opposition avec la sunna. Ils les blâmaient des blâmes les plus sévères, et ils nous interdisaient de les rencontrer, et ils nous interdisaient de nous asseoir avec eux, et ils nous avertissaient même de s'approcher d'eux. Hein? Des avertissements les plus sévères. Et ils nous informaient qu'ils étaient dans l'égarement. Hein? Et qu'ils déformaient le livre d'Allah et les sunan du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas mort, hein, excepté que il détestait les questions, le fait de poser trop de questions. C'est-à-dire que jusqu'à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours détesté qu'on lui pose trop de questions. Et il y a des hadiths à ce sujet-là. Hein? Parmi les choses qui ont fait que les gens ont péri, إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Ça c'est un des hadiths qui est connu, même qu'il est dans Al-Arba'un al-Nawawiyah, et dans les 40 hadiths. Parmi les choses qui ont fait périr les gens avant vous, c'est les nombreuses questions qu'ils posaient et les divergences qu'ils avaient avec leurs prophètes. Ça fait partie des exemples. Et donc les salafs, ils avertissaient contre ce genre de choses aussi, et ils réprimandaient ceux qui faisaient ce genre de choses-là. Et ils avertissaient les musulmans dans plusieurs... Et il dit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a détesté ces choses-là et il disait « Dharouni ma tartukum wa innama halaka alladhina min qablikum bisu'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Donc c'est le hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça c'est la fin, donc la citation qui est tirée de Al-Ibana de l'imam Ibn Battah. C'est la parole de l'imam Ibn Abi Zunad. Il dit, l'imam Khalid, le cheikh Khalid Al-Zufayri qui a écrit le livre, il dit: regarde mon frère, comment cet imam a rapporté le fait de s'écarter, de boycotter les gens de bid'ah et de les blâmer du blâme le plus sévère, et il nous a interdit de les rencontrer, de s'asseoir avec eux, et il nous met en garde même de se rapprocher d'eux. Et il rapporte ça de qui? De ceux qu'il a rencontrés parmi les hommes de mérite et de connaissance et de compréhension de la religion, parmi ceux qui étaient les meilleurs d'entre ceux qui ont précédé les gens. Et en particulier, que lui, il a rencontré de nombreux savants parmi les grands d'entre les tabi'in. Ibn Abi Zunad. Et d'autres également parmi, qui sont moindres que les tabi'in, mais qui font partie des imams, comme Suhail ibn Abi Salih, et Sharahbil ibn Sa'd, et Salih Mawla Taw'ama, et son père Abi Zunad, Abdullah ibn Zakwan, et Abdurrahman ibn al-Harith al-Makhzoumi, et Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, et Abdul Majid ibn Suhail, et Omar ibn Abdul Aziz, Mu'az ibn Mu'az, et Moussa ibn Uqba, et Hisham ibn Urwa, et d'autres également. Que Allah fasse miséricorde à tous ceux-là. Donc ça c'est des exemples, encore une fois, des paroles des salafs qui montrent que les salafs étaient tous d'accord sur ce principe-là. Maintenant, un autre parmi les ulama des salafs, Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, rahimahullah, Allah, il a des anges qui cherchent les assemblées de science. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges qui recherchent les assemblées ou les cercles où les gens sont rassemblés pour faire son rappel. Alors fais attention et vérifie avec qui tu t'assois. Alors fais attention et vérifie donc avec qui tu t'assois, que ce ne soit pas avec un innovateur ou une personne qui est sur la bid'a, parce que Allah ne les regarde pas. Et le signe de l'hypocrisie, c'est qu'un homme se lève et s'assoit avec un innovateur. Et le signe de l'hypocrisie, c'est qu'un homme se lève et s'assoit avec un innovateur. Et il dit, j'ai rencontré les meilleurs parmi les gens, ils étaient tous des gens de la sunna, et ils interdisaient de rester avec les gens de la bid'ah. Ça c'est rapporté dans Hilyatul Awliya. Maintenant le Cheikh Khalid Al-Zufayri, il dit, Al-Fudayl ibn Iyad, il a de nombreuses paroles précieuses au sujet du blâme des gens de bid'ah et de la mise en garde contre eux. Et parmi ces paroles, voici quelques exemples. Il dit, rahimahullah, celui qui s'assoit avec quelqu'un qui est sur la bid'ah, on ne lui donnera pas la sagesse. Lam yu'ta al-hikma. Man jalasa sahibu bid'ah, lam yu'ta al-hikma. Une autre parole qu'il a mentionnée, l'imam Fadil ibn Ayyad, il dit, ne t'assois pas avec la personne qui est sur la bid'ah, parce que je crains que la malédiction soit que la malédiction descende sur toi. La tajlis ma'a sahibi bid'ah, fa inni akhafu an tanzil alayka al-la'na. Une autre parole de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, celui qui aime une personne qui est sur la bid'ah, Allah annule ses œuvres et il fait sortir la lumière de l'islam de son cœur. Man ahabba sahib bid'atin ahbata Allah 'amalah wa akhraja nur al-islam min qalbihi. Et il dit, celui qui mange, il dit, je mangerai avec le juif et avec le chrétien, mais je ne mangerai pas avec le mubtadi'. Je voudrais ou j'aimerais qu'il y ait entre moi et la personne qui est sur la bid'ah une muraille de fer. Je voudrais qu'il y ait entre moi et le mubtadi' une muraille de fer. C'est-à-dire en arabe, akulu ma'a yahudi wa nasrani wa la akulu ma'a mubtadi'. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. Et ça c'est dans Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari et rapporté également dans Al-Ibana. Ces paroles-là, on les retrouve dans ses livres. Ensuite, c'est rapporté également par, il y a la citation de l'imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, un des grands imams parmi les imams des salafs, qui est mort en l'an 224. Il dit, rahimahullah, dans son livre Al-Iman, Bab, ذِكْرُ مَا عَابَتْ بِهِ الْعُلَمَا مِنْ جَعْلِ الْإِيمَانِ قَوْلًا بِلَا عَمَلْ وَمَا نَهُوا عَنْهُ مِنْ مُجَالِسِهِمْ. C'est-à-dire le chapitre de ce qui a été rapporté de la part des ulama comme blâme pour celui qui fait de la foi une parole sans action, et la mention de qu'est-ce qui a été dit sur le fait de qu'il est interdit de s'asseoir avec eux, qu'il est interdit de s'asseoir avec eux, c'est-à-dire avec ceux qui disent que la foi c'est une parole sans action. Et il mentionne des différentes citation des narrations à ce sujet-là, et parmi ces narrations-là, il dit, قال Abu Ubaid, il nous a été rapporté par Ismaïl ibn Ibrahim, et selon Mahdi ibn Maymoun, selon Al-Walid ibn Muslim, qui a dit, un tel est rentré, c'est-à-dire il n'a pas mentionné son nom, il a dit Fulan, c'est-à-dire quelqu'un, est rentré, et en parenthèse il dit, et il a été nommé Ismaïl, mais son nom a été laissé de côté ici. Son nom a été mentionné ici. Il dit, un homme est rentré chez Jundub ibn Abdullah al-Bajali. Ça c'est un sahabi radiallahu anhu. Et il lui a demandé au sujet d'un verset dans le Coran. Alors il lui a dit, J'ai pas compris ici le sens de cette parole. Donc je peux pas le traduire, malheureusement. Donc ça. Donc ici je sais pas. Je vais vérifier par la suite, puis inshallah, peut-être qu'il y a quelque chose qui va clarifier cette signification là. Donc probablement que c'est ça. Probablement que la personne qui est rentrée chez Jundub ibn Abdullah al-Bajali, c'est un innovateur, et qu'il voulait lui demander à propos d'un verset dans le Coran, et que il n'a pas voulu que cette personne-là s'assoie avec lui, c'est ça, et qu'il lui a dit de ne pas s'asseoir avec lui. Donc c'est un exemple en fait. Et il y a une autre citation qui est mentionnée. Il dit, Abu Ubaid a dit que Ismaïl ibn Ibrahim nous a mentionné, selon Ayyub, il dit, Saïd ibn Jubair m'a dit, sans que je lui pose la question et sans que je lui mentionne quoi que ce soit à ce sujet, ne t'assois pas avec un tel. Et il a mentionné son nom. Il a dit, parce que cette personne-là avait l'opinion, ou bien il se basait sur des opinions, al-ra'i. C'est-à-dire les bid'ah, les opinions qui opposent la sunna. Donc il lui a ordonné de ne pas s'asseoir avec lui. Il dit, maintenant, après avoir cité cette parole, il dit, et la parole au sujet de s'écarter des gens de passion, c'est une parole qu'on retrouve qui est très, qu'on retrouve très souvent. Et il dit, mais nous, on ne voulait que mentionner cela en particulier. Et Soufiane et Al-Awza'i et Malik ibn Anas et ceux qui sont venus après eux parmi les maîtres de la science et des gens de la sunna, ils étaient tous pareils ils étaient tous sur cette position là par rapport à ces questions là et ils étaient les lanternes qui éclairent la terre, les imams de la science de leur époque, parmi les gens de l'Irak, parmi les gens de Al-Hijaz, c'est-à-dire Mecca ou Al-Madina, et parmi les gens de la Syrie, parmi les savants de la Syrie, et ils blâmaient les gens de Bid'ah sans exception, c'est-à-dire ils blâmaient tous les gens de toutes les Bid'ah, et ils voyaient la foi comme étant une parole et une action. Et là. Ensuite, il cite les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est mort en l'an 241 de la Hijra. Et je pense qu'on va terminer, Inch'Allah, avec cette parole. Inch'Allah, il dit, l'imam ibn Battah, il a rapporté, un homme a écrit une lettre à l'imam Ahmad en lui demandant la permission dans cette lettre d'écrire un livre dans lequel il explique la réfutation des gens de Bid'ah. Et il lui demande la permission également de se présenter avec les gens de Kalam pour débattre avec eux et pour argumenter contre eux. Alors l'imam Ahmad ibn Hanbal lui a répondu avec la lettre suivante. Il lui a dit, Bismillahirrahmanirrahim, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne une bonne fin et qu'il repousse de toi tout ce qui est mauvais et tout ce qui est interdit. Et ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu, ce sur quoi nous avons vu, ce que nous avons rencontré d'entre les hommes de science, c'est qu'ils détestaient le kalam. Ils détestaient le kalam, c'est-à-dire la philosophie et le fait de discuter et disputer à propos de la religion et des choses de ce genre. Et il détestait également le fait de s'asseoir avec les gens de la déviation. Et que l'attitude à avoir dans ces questions-là, c'est uniquement l'attitude et le comportement de la soumission. C'est-à-dire dans les questions de la foi, de la aqida et des choses de ce genre, tu dois juste te soumettre. Il n'y a pas de débat ou d'argumentation de de ce que font les théoriciens ou les philosophes ou les gens de kalam qui veulent débattre en se basant sur la philosophie sur ces questions-là, à propos des attributs d'Allah, à propos de la prédestination, à propos des autres questions de ce genre. Il n'y a pas à débattre sur ces choses-là. Tu te soumets à Allah, c'est tout. Et tu crois en ce qui est dans son livre. Donc tu t'arrêtes à ce qui est dans le livre d'Allah ou la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas de s'asseoir avec les gens de bid'a et de déviation pour les réfuter. Parce qu'ils vont te mélanger dans tes croyances. Hein? Et ils ne reviennent pas. C'est-à-dire, tu veux débattre avec eux, ils vont te mélanger et te confondre, et ils ne vont pas revenir. C'est-à-dire, ils ne reviennent pas de leur fausseté en général. Les gens de bid'a, ils sont têtus. Hein? Et donc l'imam Ahmad il dit, si tu veux être vraiment épargné de tout ce qui est mauvais, Inch'Allah, abandonne l'idée de t'asseoir avec eux et le fait de disputer avec eux à propos de leurs bid'a et de leurs égarements, et crains Allah. Donc que l'individu craigne Allah et qu'il suive, hein, qu'il s'en aille ou qu'il parte vers ce qui lui amène du bien demain, c'est-à-dire qu'il se dirige vers la chose qui demain va lui amener du bien parmi les bonnes œuvres qu'il va préparer pour lui-même, et ne soit pas de ceux qui inventent quelque chose dans la religion, puis qui ensuite essaient de trouver une preuve pour qu'est-ce qui est sorti de lui. Hein, il se pousse à faire quelque chose qui est impossible pour lui, de chercher une preuve pour tout ce qui sort de sa bouche, que ce soit vrai ou faux. Et il essaie d'embellir par ces paroles-là sa bid'ah et ce qu'il a inventé. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup de gens qui inventent des paroles ou des idées ou des choses dans la religion, et puis après qui cherchent dans le Coran et dans la sunna pour essayer de trouver des arguments pour supporter ces innovations-là. C'est pour ça que les ulama, ils disent, tu dois trouver la preuve et ensuite croire. Et non pas croire à quelque chose et ensuite chercher la preuve pour. Parce que les gens de bid'a, c'est ce qu'ils font. Ils s'inventent des idées, des croyances, et après ils cherchent dans le Coran des preuves pour justifier ça. Tandis que les gens de la sunna, c'est le contraire. Ils croient en ce qui est dans le texte et dans ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Ensuite, c'est-à-dire ils croient en les preuves qui sont dans le Coran et dans la sunna, et ils se soumettent. Hein? Donc, ils trouvent les preuves, ensuite ils croient. Tandis que les gens de bid'a, ils croient à quelque chose, ensuite ils cherchent des preuves. Et s'ils ne le trouvent pas, ils inventent ou ils déforment la réalité ou la vérité qui est dans les textes. Donc c'est ce que l'imam Ahmad est en train de mentionner, et il met en garde contre ces choses-là. Et il dit pire que ça encore, celui qui écrit un livre où il mélange la vérité et le faux, même s'il sait que la vérité est clairement ailleurs. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le succès pour vous et pour nous. Hein? Wassalamu alaykum. Donc ça, c'est le conseil que l'imam Ahmad a donné. C'est dans le livre Masa'il à l'imam Ahmad de son fils Salih et dans Al-Ibana de l'imam Ibn Battah. C'est un conseil qui clarifie et qui mentionne donc la position des salafs à propos des gens de bid'a. L'imam Ahmad, il mentionne également « Alaykum bis sunnah wal hadith » wama, donc il dit « Je vous enjoins de suivre la sunnah et le hadith » et ce par quoi Allah va vous faire profiter. Et prenez garde aux disputes, aux débats et aux argumentations dans la religion. Parce que celui qui fait ça, celui qui fait ça et qui aime le kalam, il n'aura jamais de succès. Et toute personne qui innove une parole, eh bien à la fin, ça ne deviendra qu'une innovation. Hein, ça ne sera qu'une innovation, parce que Al-Kalam n'amène pas au bien. Et il dit, et je n'aime pas le Kalam, je n'aime pas les paroles, et la philosophie, les débats et les disputes et les argumentations dans la religion. Donc, et accroche-toi aux sunan et aux narrations et au fiqh et à la compréhension. Ça, ce sont des choses par lesquelles tu pourras bénéficier, hein, des choses qui seront bénéfiques. Et laisser de côté la dispute et les débats et les argumentations et les paroles des gens de déviation et de discussion et d'argumentation. Et il dit qu'on a trouvé que les gens de la sunna, ils ne connaissaient pas ce genre de choses-là et ils s'en écartaient. Ils s'écartaient des gens de kalam. Et la conclusion du kalam n'amène pas au bien, qu'Allah nous en préserve et qu'il vous préserve également des fitanes et qu'Allah nous épargne, nous-mêmes ainsi que vous-même, de tout ce qui amène à la perdition. Ça, c'est également tiré de Al-Ibana. Il dit également, l'imam Ahmad, écartez-vous des gens qui font des discussions et des débats et qui font rentrent dans le kalam, et accrochez-vous au sunan, c'est-à-dire le pluriel de la sunna, c'est-à-dire accrochez-vous aux différentes sunnas, et accrochez-vous à ce que suivaient les hommes de science avant vous, parce qu'ils détestaient tous Al-Kalam et les débats et les discussions au sujet des gens de Bid'ah. Il y en a des discussions à propos des gens de Bid'ah et de s'asseoir avec eux. Et le salut n'existe que dans le fait d'abandonner ce genre de choses. Et on n'a pas été commandé de débattre ou de rentrer dans des discussions ou des disputes avec les gens de Dalal. فَإِنَّهُ سَلَامَةٌ لَهُ مِنْهُ. Parce que le fait de s'en écarter, c'est quelque chose qui fait en sorte que tu seras protégé et épargné de l'égarement. Et vous avez vu que les gens de Ahl Sunnah, ils mettent toujours en garde contre les disputes, les argumentations et les débats dans l'égarement, parce que c'est qu'est-ce qui ouvre la porte à la propagation des bid'ah et qui ouvre la porte au doute dans la religion et dans les questions de religion. Tandis que si tu fermes la porte complètement à la discussion et au débat avec les gens de bid'ah, automatiquement, eh bien, tu es préservé. Il y a des cas dans lesquels les imams des salafs ont fait des débats avec les mubtadi'a, mais c'était des cas bien spécifiques, comme par exemple lorsque ils n'avaient pas le choix. Par exemple, lorsque le dirigeant leur demandait ou leur ordonnait, ou lorsque c'était dans le but de clarifier la vérité et qu'ils établissaient les preuves du Coran et de la Sunna contre ces innovateurs-là. Et il y a des exemples de ce genre de débat-là qui existent dans les livres des salafs qui montrent qu'ils les ont réfutés avec plusieurs arguments. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que les salafs, ils écrivent des livres pour réfuter les mubtadi'a sans rentrer directement en contact avec eux, mais uniquement pour faire en sorte que les gens puissent connaître la vérité et connaître la sunna et soient capables d'être avertis contre l'égarement. Donc cette dernière parole, elle est tirée de Al-Ibana aussi. Ensuite, il y a la parole de Ibn Abi Ya'la qui dit: La tahtalifu ar-riwaya fi wujubi hajji ahli al-bid'i wa fussaq al-millah. C'est Ibn Abi Ya'la, c'est un des ulama parmi les ulama des Hanabila. Il mentionne qu'il n'y a pas de divergence dans les narrations sur le fait qu'il est obligatoire de s'écarter des gens de bid'ah et des gens pécheurs dans la religion. Le cheikh, il explique, il dit, donc l'imam Ahmad, rahimahullah, il mentionne que la voix des gens de science, parmi ceux qui les ont rencontrés et qui les ont entendus, c'est le fait de boycotter, c'est-à-dire parmi ces, cette voie-là, il y a le fait de s'écarter, de boycotter les gens de bid'ah. Et ils ont mentionné ce qui a comme conséquence néfaste au fait de se mélanger avec les gens de bid'ah et les résultats mauvais hein, du fait de s'asseoir avec eux. Si dans le fait de rester avec eux il y avait une réfutation contre eux, eh bien la personne qui les fréquente, hein, si elle prétend que c'est pour les réfuter et que c'est en réalité c'est un danger en fait, puisqu'il dit que il ne peut pas être épargné et s'épargner lui-même de la tentation et de l'égarement et de la fitna, hein. Et que dans le fait de se mélanger avec eux il y a un danger de périr. Hein? C'est comme un poison mortel. Et ça, c'est un argument qu'on entend souvent de la part des gens aujourd'hui, à notre époque, quand ils se tiennent avec des hizbiyins ou avec des gens de bid'ah, ils rapportent ou ils vont dire, moi je fais ça, c'est parce que je veux essayer de les ramener à la sunna, ou je veux leur faire la da'wah. Alors il dit, je vais dans leur mosquée, je vais dans leur centre, je m'assois avec eux, je passe du temps avec eux, je les fréquente de façon régulière parce que je veux leur faire la da'wah pour qu'ils reviennent à la sunna. Et la réalité de qu'est-ce qui arrive ensuite par rapport à ces gens-là souvent, c'est que même si qu'est-ce qu'ils prétendent c'est vrai, même s'ils prétendent que ils veulent les guider puis que c'est vrai, ils sont sincères là-dedans, eh bien à la fin souvent qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est eux plutôt qui se font faire la da'wah, c'est eux qui à la fin se font faire la da'wah et c'est eux qui finissent par devenir des hizbiyin, parfois même sans s'en apercevoir. Donc ils ont eu au début une bonne intention, c'était d'essayer de les ramener à la sunna. Mais à force de les côtoyer, de les fréquenter, puis d'essayer d'argumenter avec eux, puis ils deviennent comme eux. Hein? Donc, c'est pour ça que les salafs, ils nous ont mis en garde contre ça. Et les ulama, ils mentionnent souvent qu'on peut reconnaître une personne par son entourage. Par son entourage. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, moi je suis salafi, mais les seules personnes qu'ils fréquentent et qu'ils côtoient sont des hizbiyins. Donc les salafs, ils ont dit, si tu vois une personne qui marche avec les hizbiyins, qui s'assoit avec les hizbiyins, qui est toujours avec les hizbiyins ou avec les gens de bid'a en général, ça veut dire qu'il est un d'entre eux, même s'il prétend le contraire. Et il y a plein d'exemples des paroles des salafs à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne une parole de l'imam Ibn Qayyim à propos des différentes catégories de personnes par rapport à la fréquentation. Et il mentionne donc dans la quatrième catégorie, ça c'est dans son livre Bada'i' al-Fawa'id, il dit la quatrième catégorie, c'est le fait de fréquenter des gens qui amènent à la perdition. Et cette fréquentation-là, c'est comparable à du poison. Si cette personne qui fréquente les gens de bid'ah réussit par la suite à rencontrer un imam parmi les salafs ou parmi les gens qui sont sur la aqidah des salafs et qui connaît la aqidah et qui est capable de répondre aux shubuhat, c'est possible que il soit sauvé de certaines de ces shubuhat là. C'est la preuve que Allah lui a fait un bien. Mais sauf que c'est pas possible pour tout le monde. C'est pas à tout le monde que ce sera possible de rencontrer un savant qui va être capable de lui répondre à ses questions et de lui enlever ses shubuhat. Et donc, il dit, cette catégorie-là dont la fréquentation est comparable à du poison, ce sont les gens de bid'ah et d'égarement, qui sont des gens qui obstruent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils obstruent le chemin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils appellent à ce qu'il est en contradiction avec la sunna. Et ils obstruent le chemin d'Allah. Et ils veulent le rendre tortueux. Et ils veulent faire de la sunna une bid'a et de la bid'a une sunna. et ils veulent faire du bien un mal, et de qu'est-ce qui est mal, un bien. Donc, il faut être très, très sérieux, hein, dans la recherche et dans la quête de ce qui amène l'agrément d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ce qui les met en colère, dans le sens que il faut chercher l'agrément d'Allah dans ce qui rend les gens de bid'a en colère, hein, et ne pas être préoccupé ou ne pas même nous porter d'attention à leur blâme ou leur critique. Donc, c'est-à-dire que si les gens de bid'a ils te blâment ou ils te critiquent, hein, parce que tu suis la sunna, ne leur donne aucune importance et ne te préoccupe même pas d'eux. Fais comme s'ils n'existaient pas, hein, et ne donne aucune importance à leurs critiques et à leurs blâmes ou à leur haine, hein, parce que en réalité, ça c'est la preuve du fait que toi t'es complet et que t'es parfait, t'es correct. Hein. Donc en fait, si tu vois des gens de bid'a qui te critiquent et qui te détestent parce que tu suis la sunna, sache que c'est parce que t'es dans le bien. Mais si tu vois qu'ils t'aiment, là il y a un problème. Hein. Et donc le cheikh il termine, donc ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn al-Qayyim, et il dit que l'imam Ahmad rahimahullah, dans sa parole il y a la plus grande réfutation à propos de ceux qui fréquentent les gens de bid'a sous prétexte de vouloir les corriger ou de vouloir les réfuter ou leur faire inkar, yani tu veux les yani dénoncer le mal qu'ils font. Et yani il y a également une parole de qui est rapportée dans le livre de Ibn Battah, dans son livre qui est rapporté, qu'il cite avec une chaîne de transmission. En fait, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le hadith qu'on a lu, je pense, tout à l'heure, à propos du Dajjal. Il dit, celui parmi vous qui entend parler de la sortie du Dajjal, alors qu'il s'écarte et qu'il s'enfuit, hein, de ce qu'il a, de lorsqu'il entend la sortie du Dajjal, qu'il s'enfuit. Comme si on te dit que Dajjal, il s'en vient dans tel endroit. Toi, va dans une direction opposée, parce que il dit que l'homme va s'en aller vers lui, alors qu'il pense qu'il est un croyant, et il va le suivre à cause du grand nombre de shubuhat que le Dajjal va lui lancer. Les shubuhat, c'est quoi? Les shubuhat, c'est des paroles ou des choses qui sont fausses, mais qui ont auxquels on donne l'apparence de vérité. Hein? Donc, on les appelle shubuhat parce qu'elles ressemblent à la vérité. Hein? Tushbihu al-haq. Hein? Donc, ça vient de shaba. Shubuhat, ça vient de shaba, ça veut dire la ressemblance. Donc, c'est ça l'origine. Bon, j'ai pas le temps de lire toutes les autres citations de l'imam Ahmad, parce que il y en a plusieurs, et le temps qu'on a il est limité malheureusement. Donc on va s'arrêter ici tout de suite inshallah, puis on continuera ce cours là bi'ibnillah lundi prochain à Charleroi, si on a l'occasion de le faire. Peut-être la suite, ça va peut-être prendre deux cours encore pour le finir, d'accord, puis inshallah ensuite on pourra peut-être commencer un autre livre بإذن الله. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et ça m'a fait plaisir d'être ici à la ville de Glen. Et puis inshallah on espère que Allah سبحانه وتعالى fasse de ces moments qu'on a passés ensemble des moments qui seront bénéfiques pour nous au jour de la résurrection, hein, et que ce sera mis dans notre balance au jour de la résurrection, la balance de nos bonnes œuvres, hein. et qu'il nous donne la sincérité dans nos paroles et dans nos actions et qu'il accepte le bien qu'on a fait. Donc, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.